J'ai pris une brioche, des bonbons et des biscuits. J'ai pris une bière à la brasserie de Pierre. Il y a beaucoup de livres à la bibliothèque de la ville. J'ai acheté une baguette à la boulangerie de la banlieue.